la harpe là. 35 000 francs. Pour mettre une table. Le type, c'était à Lille ça. Alors, bon, il paye sans discuter. Je savais que c'était des payeurs, mais enfin, bref. Alors, les harpes arrivent. Il y en arrivait des. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est qu'il a dans le ventre, celui-là? Mais je dis, attends une minute. Alors, je dis, ça dégringole comme ça parce qu'on n'est pas cher. Je dis, allez, j'écris cher à Paris. J'écris cher à Paris. Ce qu'on avait demandé 35 000 francs à Paris, on nous le fait 350 000. Mmh. Oh, j'étais d'une colère, mon ami. J'étais de colère, mais alors le type m'a bien dit que c'était de ma faute, c'est vous qui avez fait le prix, c'est pas moi. Moi je lui ai dit, mais si vous aviez été convenable, monsieur, vous nous auriez seulement parce donné... Parce que t'as vu à la coule des prix. Quand vous avez vu les prix, vous nous auriez donné 5 000 francs de plus. C'était pas la coule des prix. On aurait été content. Continuer à lui remettre des tables de harpe, etc. Quand j'ai vu ça, moi j'ai foutu tout en l'air, il est venu ici chercher ses harpes. Et puis on a tous été comme ça. Et puis si bien que les luthiers, les vieux luthiers de Mercourt avaient de la famille, tous, ils avaient des enfants, des fils, ils n'ont plus voulu que mettre les fils dans ce métier-là parce que pour gagner 3 francs 50 ah ben non, il n'y a aucun de la famille. Ça n'allait plus. Ah bon? Il a un fils qui travaille à Marcoul, le mien, il est professeur dans un... Oui, oh ben, il a... C'est sa femme aussi, hein? Oui. L'autre, il est chef de l'équipe chez Sochaux. Celui de l'autre frère.